sur la lune, quitte la terre, sans te laisser distraire avec. Pars sur la lune, quitte la terre, sans y laisser de plume. Le pouvoir des hommes aujourd'hui exaspère. Ils ne jurent que par le profit ou par la guerre. C'est la guerre au profit. Sur la lune, quitte la terre, sans te laisser distraire avec. Pars sur la lune, quitte la terre, sans y laisser de plume. L'air de rien, le nucléaire, présent dans l'atmosphère, a des répercussions sur les hommes et la nature. Pas pour le pognon, l'air du nucléaire sent pas bon. Sans tu peux rien faire avec pas sur la lune, quitte la terre, sans te laisser distraire avec. Pars sur la lune, quitte la terre, sans y laisser de plume. Heureusement l'argent n'a pas de dent, sinon on serait envahi par une puanteur. Heureusement l'atome ne sent pas non plus trop fort, sinon on serait déjà tous morts de peur. Avec tu ne peux rien faire, transaction ok, tu es surveillé. Quel enfer, plus de liberté, le droit d'être endetté, travailler pour rembourser le train de vie dur à assumer. Sur la lune, quitte la terre, sans te laisser distraire avec. Pars sur la lune, quitte la terre, sans y laisser de plume. Sans tu ne peux rien faire, avec pas sur la lune, quitte la terre, sans te laisser distraire avec. Pars sur la lune, quitte la terre, sans y laisser de plume.